Qu'est-ce que c'est ? C'est un plan de Paris. Qu'est-ce que c'est ? C'est une baguette. C'est un pain. C'est une baguette.